Unité 60. Les pronoms indéfinis. J'ai tout? Je n'oublie rien? Si. Quelque chose d'important. Quoi? Tes rollers. 3. Prononciation et orthographe. Il y a un trait d'union entre les deux éléments et on fait la liaison. Quelques-uns. Quelques-unes. On prononce le S final du pronom tous, T-O-U-S. Les guides touristiques, je les ai tous lus. On n'est pas tous les mêmes.